Aujourd'hui est le 1er juillet 2024 et Sayado était en train de parler des quatre méditations protectrices. Et comment les développer à nous-mêmes, les yogis, pour être capables de pratiquer en paix et sans perturbation. Hier, Sayado a parlé des deux premières méditations, Buddhanusatti, la méditation sur les qualités du Bouddha, et Metta-Bhavana, la méditation sur l'amour bienveillant. Ce soir, Sayado ne parlera pas de ces deux méditations, mais il continuera avec les deux méditations suivantes. Mais en premier, avant de commencer, Sayado veut vous rappeler que les enseignements dont il parle, le Dhamma qu'on est en train d'écouter, est quelque chose que le yogi doit connaître et apprendre. Donc, si vous voulez réaliser le Dhamma, alors vous devez écouter soigneusement et avec attention l'enseignement. Seulement si vous écoutez avec attention ce qui est en train d'être expliqué, vous allez pouvoir pratiquer. Vous ne seriez pas satisfait si vous écoutez de façon superficielle. Ça, c'est quelque chose que vous devriez savoir. Nous devrions comprendre que ça, c'est du temps précieux. Nous n'avons pas cette opportunité tout le temps. Nous sommes en train de pratiquer pendant 2 jours. Si nous travaillons 2 jours dans le monde, nous sommes payés pour 2 jours, pour 2 journées de travail. Si on travaille 1 heure, on sera payé pour 1 heure. Donc, on doit considérer que le temps que nous appliquons à la méditation est du temps sérieux que nous devrions, auquel nous devrions nous appliquer en pratiquant la méditation pour avoir le paiement, donc le résultat. Aujourd'hui, Sayado parlera de la troisième méditation qui s'appelle Asubha Bhavana, la méditation sur les impuretés du corps. C'est une pratique qui développe l'habilité de voir les parties de notre corps. Dans notre corps, si on doit le diviser, il y a 32 parties. Si on les combine ensemble, on a un corps humain, un être humain. Si nous analysons ces parties du corps, on peut voir qu'il y a les cheveux, les poils, les ongles, les dents et la peau, etc., pour nommer les 5 premières parties, qu'en pali on appelle Kesa, Loma, Naka, Danta et Tasso. Quand nous les analysons, si nous prenons une pile de cheveux, une pile de poils, une d'ongles, une des dents, on voit bien qu'il est possible de les prendre séparément. Donc, il est possible de séparer les différentes parties du corps. Quand on combine les 32 parties du corps, on voit l'être humain en tant que personne, femme ou homme. Quand les 32 parties sont combinées, ça nous semble bien. On le voit en entier comme bon, agréable, sympathique ou attractif, donc quelque chose qu'on veut. Si on regarde ces parties du corps individuellement, qu'est-ce qui est attirant chez eux? Si on prend par exemple les cheveux, si on les considère tout seuls, qu'est-ce qui est attirant chez eux? Leur apparence est attirante ou leurs odeurs est attirante, leur forme est attirante. Si on les considère tout seuls, ils ne sont pas attirants. C'est seulement quand on combine les parties du corps qui nous semblent attirantes. Par exemple, si on regarde les cheveux dans leur place habituelle, il peut nous sembler bon. Mais s'ils tombent, par exemple, et s'ils ne sont pas dans leur place, s'ils tombent ou s'ils sont coupés, sont-ils encore attirants? Et si cette pile faite des jolis cheveux tombe dans la soupe que vous êtes en train de manger, comment vous sentiriez-vous? Donc, les parties du corps qui ne sont pas à leur place perdent leur valeur. Aussi pour les autres parties du corps. Considérez les ongles par exemple. Pour eux, c'est la même chose. On leur met du vernis à ongles, on les nettoie, on leur donne une belle forme. Mais si on les coupe et si une pièce de ces ongles coupée finit dans notre nourriture, dans la nourriture qu'on est en train de manger, comment ça nous paraît? Ça nous paraît propre. Si nos cheveux, poils, ongles, dents et peau étaient beaux, Alors, quand ils tombent, on les garderait, on les conserverait s'ils étaient jolis. Prenez les dents, par exemple. C'est la même chose. Si vous prenez une dent individuellement, quid de son apparence? Et l'apparence d'une dent attractive? Et son odeur? Et la place où les dents poussent dans les gencives à l'intérieur de la bouche, qui est en contact avec la nourriture, la salive, etc. Et ça attirant. Les yogis, restent assis pendant 1 heure en gardant la bouche fermée. Donc, après 1 heure assis avec la bouche fermée, quelle sera l'odeur de notre bouche? Sera-t-il attirant? Considérant que peut-être qu'on en garde la bouche fermée pendant toute la nuit, quelle odeur aura-t-elle au réveil? Sera-t-elle parfumée? En fait, les parties du corps ne sont pas intrinsèquement attirantes. C'est facile de comprendre ça et de voir que les parties du corps prises individuellement ne sont pas attirantes. C'est seulement quand elles sont combinées qu'on est attiré par elles et que l'avidité apparaît. Bien sûr, on prend du temps pour soigner nos cheveux, pour soigner nos ongles, pour soigner nos dents en les brossant, etc. Mais donc parce qu'on fait ça et on fait attention à être tout simplement présentable, ben, on ne fait pas attention au fait que ces parties ne sont pas attirantes. Ce discours pourrait s'appliquer pas que pour les corps humains. On prenait par exemple un bâtiment ou une voiture, hein, par exemple. Donc, quand leurs parties sont combinées, ben, ces objets, dans leur intégrité, nous paraissent beaux et agréables. Mais si on les fait en morceaux, leurs parties séparées ne sont plus attirantes. En réfléchissant sur les parties de notre corps, important notre attention sur elles, sur les cheveux, sur les poils, sur les ongles, les dents et la peau, on voit qu'elles ne sont pas attirantes, elles sont dégoûtantes. Quel est le bénéfice en pratiquant ce type de méditation? Quand on pratique la méditation vipassana et on obtient un peu de samadhi, un peu de concentration, des images agréables ont la tendance à apparaître à l'esprit, des choses vraiment fantastiques. Les hommes ont la tendance en général à voir des jolies femmes, tandis que les femmes ont la tendance à voir des hommes séduisants. Typiquement, si l'esprit voit quelque chose de similaire, ben, l'esprit se laisse entraîner. Le bénéfice de cette pratique est que si on développe Asubha Bhavana à l'avance, nous ne voyons pas ces images comme attrayantes. Et la pratique n'est pas perturbée par cette vue. Si on prend du plaisir en voyant ce type d'image attirante, avec la pratique de ce type de méditation protectrice, elles disparaîtront vite. Une fois, il y avait un Mahatera, un moi aîné, qui vivait seul dans une cabane dans la forêt. Et il avait une femme aux alentours. Son mari avait commis des actions pas correctes et elle était fâchée contre lui et a décidé de le quitter. Elle était retournée chez sa mère et pendant le trajet, pendant qu'elle retournait chez sa mère, elle rencontra le moine qui était assis devant sa cabane. Quand elle l'a vu, elle a regardé, puis elle partit d'une manière plutôt agréable. Le moine la regarda et regarda ses dents pendant qu'elle était en train de rire. Il prit ça comme objet de méditation. Il contempla ça, il contempla ces objets comme si c'était des os et il obtenit la concentration et ensuite l'illumination. Après quelque temps, le mari arriva en la suivant. Quand il rencontra le moine, il lui demanda s'il avait vu passer une femme. Et le moine répondit, était-elle une femme? Était-il un homme? Je ne sais pas, j'ai vu seulement passer un sac d'os. Si on voyait un squelette, quelle attirance il y aurait envers lui? Ça est une pratique qu'on doit faire chaque jour. Toutes ces quatre méditations protectrices sont quelque chose qu'on devrait pratiquer chaque jour, ici, et aussi quand vous rentrerez chez vous. Vous devriez prendre un peu de temps ici chaque jour pour pratiquer ces quatre méditations et un peu de temps à la maison aussi pour pratiquer un peu de temps chaque jour. Maintenant, on passe à la quatrième méditation protectrice qui s'appelle Maranamsati, la méditation sur la mort. La plupart des gens ne veulent pas sentir parler de la mort. Ils ne veulent pas entendre le mot mourir. Cependant, qui ne va pas mourir? Personne ne vivra sans mourir. Quand notre vie se termine, on devra mourir. Quel que soit l'âge, on devra mourir à un certain moment. Parfois, on meurt par exemple d'une maladie ou à cause d'un danger mortel. On peut voir par exemple pendant la pandémie, beaucoup de gens sont morts. Mais donc, s'il n'y a pas des choses qui va nous mettre en danger, ben, on va quand même vieillir et mourir. Si quelque chose apparaît, elle va disparaître et arrivera à sa fin. Si quelque chose naît, elle va mourir. Ça, c'est naturel. C'est pas quelque chose dont on devrait avoir peur. On doit mourir, que nous le craignons ou pas. Serait plus bénéfique si on pourrait mourir en n'ayant pas peur. Ça, c'est quelque chose qu'on doit contempler. On devrait contempler ça. D'ici peu, je vais mourir. Ma mort est un fait permanent de la vie. Ma vie n'est pas quelque chose de permanent. Ça, c'est quelque chose qu'on doit entendre et qu'on doit prendre au cœur. Il n'y a pas de famille qui n'ait jamais rencontré la mort. Avant de mourir, on doit utiliser notre corps pour prendre ce qui a du valeur dans notre existence. Ce qui a du valeur et d'utiliser notre corps pour pratiquer la moralité, Sila. On utilise notre corps en vie aussi pour pratiquer la méditation. Quand on médite, on utilise notre corps pour développer l'habilité de voir l'esprit et la matière apparaître et disparaître, et arriver finalement à voir la sensation d'apparition et disparition qui est Nibbana. Donc, les entraînements des moralités, concentration et sagesse, Sila, Samadhi et Panya sont des choses dans lesquelles on peut investir notre corps et notre vie et y extraire ce qui a de la valeur. C'est comme fouiller dans la poubelle pour y extraire de l'or. Si on prend le fait de mourir sérieusement, ça est très utile pendant la pratique de la méditation. Quand nous pratiquons la méditation, nous expérimentons le fait d'avoir mal, la douleur. Et si on ne peut pas le supporter, ben on bougera tout le temps. Et samadhi, c'est-à-dire la concentration, ne pourra pas surgir. Et sans samadhi, on ne peut pas voir ce qu'il y a véritablement dans notre corps tel qu'il est. Et comme de cette façon, on ne développera pas la sagesse. Si on bouge tout le temps, on a un soulagement momentané de la douleur, mais on ne gagnera pas de la concentration quand on bouge. La sagesse est quelque chose qui peut surgir seulement si la concentration est développée. Donc, on perd l'opportunité de développer la sagesse car on perd la concentration. Si on continue notre existence dans le samsara sans développer le dhamma en nous, alors, tôt ou tard, on renaîtra dans les royaumes inférieurs d'existence, appelés les quatre royaumes d'Apaya. Par exemple, le royaume des animaux. On pourrait renaître comme animal. Dans ce type de royaume, il y a de la grande souffrance, il y a beaucoup de souffrance. La vie d'un animal n'est pas une vie agréable. Si on compare la quantité de souffrance qu'on expérimente pendant une méditation assise avec la souffrance qu'on pourrait avoir dans ce type de royaume, alors la souffrance qu'on rencontre dans une posture désagréable est très peu en comparaison. Et on devrait observer ce qui se passe à nous avant de bouger. Les sensations, Vedana, apparaissent. Donc, il apparaît la douleur, de l'engourdissement, des courbatures. Quand ces Vedana, ces sensations apparaissent, on devrait les supporter, tout simplement. On devrait chercher à les supporter. Quand on fait ça, on en voit la vraie nature. Donc, comment est la douleur? Comment sont les engourdissements? On sait ce qui se passe. Savoir ce qui se passe est le but de la méditation. Donc, si on bouge en réponse à ces désagréments, on ne connaîtra pas la vraie nature. Si on observe avec un esprit concentré et focalisé sur ces désagréments, quand on les observe, ils vont empirer. Donc, c'est bien en ces moments-là qu'on devrait continuer à les observer. Donc, le fait de savoir que tous ces désagréments, ces douleurs deviennent plus forts, ça est une conséquence de la concentration. Donc, quand il y a de la douleur, on continue à l'observer. On garde une attitude qui cherche à la connaître et cette douleur va augmenter et elle arrivera à un point où elle sera à son maximum. À ce point-ci, on ne devrait pas bouger, mais relâcher un petit peu notre attention sur la douleur. Donc, on relâche un petit peu l'esprit et on observe la douleur avec ce type d'attention un peu plus détendue. Si la douleur n'est pas soulagée, on ne bouge pas encore, mais on cherche à porter notre attention à observer le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Et en ces moments-là, on sent que la concentration sera plus forte, on pourra retourner à observer la douleur. Pendant l'assise, donc, on doit chercher à focaliser notre esprit, à continuer à observer pendant l'assise. Donc, quand on fait ça, on supportera la méditation en marche aussi. Par rapport à la marche, la chose principale est de ne pas regarder par-ci et par-là, tout autour de nous, mais on doit chercher à maintenir le regard vers le bas, à restreindre notre champ visuel à plus ou moins 2 mètres devant nous. Et ça, c'est le premier point. Un deuxième point est de focaliser notre esprit vers les jambes et les pieds pendant les mouvements, pendant les pas. Ces deux points, donc restreindre le champ de vision et observer les mouvements pendant les pas, permettent à la concentration de surgir. Donc, on doit garder notre esprit sur les mouvements des jambes pendant les pas, donc pas droit, pas gauche, pas droit, pas gauche. Et quand on lève et on place les pieds, on observe le lever du pied. Donc, le lever du pied, c'est quand le pied commence à s'élever du sol jusqu'au moment où il est le plus haut. Et ensuite, on observe le placement des pieds, donc quand le pied commence à descendre pour se placer enfin au sol. Quand on arrive à la fin du chemin des marches, on s'arrête et on observe notre posture debout. Et on observe tout le corps et on note debout, debout, debout. Après ça, donc, on doit tourner, donc on note le mouvement petit à petit, tourner, tourner, tourner, jusqu'à se retourner de l'autre côté. À ces points, donc, on est encore debout, donc on notera encore debout, debout. Après, on peut continuer à noter les pas, droit, gauche ou lever, placé. Quand on fait la méditation en marche, on le fait sur un parcours, un chemin, une piste bien définie. Le chemin des marches ne doit pas être la distance la plus longue possible. Le chemin doit être long entre 20 et 25 pas et on va en avant et à l'arrière tout au long de ce chemin des 20-25 pas. Aussi, la longueur des pas ne doit pas être trop longue. On doit marcher normalement. La distance d'un pas, ça devrait correspondre plus ou moins à la longueur d'un pied. Quand on lève et on place les pieds, on ne doit pas exagérer la hauteur du lever du pied. Ça devrait être normal, ça ne doit pas être trop haut. Quand on place le pied, il ne devrait pas rouler. On devrait le placer normalement et pas le faire rouler du talon aux orteils. Les bras ne doivent pas se balancer. On peut les garder devant nous ou derrière nous pour qu'ils ne bougent pas. Pour avoir la concentration dans la méditation en marche, on doit contrôler les mouvements de nos yeux et garder l'esprit sur les mouvements de nos jambes. Rappelez-vous que vous êtes venu ici pour méditer, donc il n'y a pas besoin de regarder autour de nous ou de parler pendant la méditation en marche. Si vous parlez, ça perturbe la concentration pour tous les deux. Et si vous perturbez la concentration pendant la marche, elle ne sera pas là et elle sera perturbée pendant la méditation assise. Vous devriez aussi arrêter de parler à vous-même. Donc, pas laisser vous emporter par vos pensées. Ça est pour la marche. Donc, on devrait développer la concentration pendant la marche pour l'amener ensuite vers la méditation assise. Donc, quand vous restez assis pendant 1 heure, donc vous travaillez pendant 1 heure, êtes-vous payé? Quand on travaille pendant 1 heure, on est payé pour 1 heure. Est-ce que je gagne de la valeur pendant cette heure-ci? Pour la marche aussi. Donc, est-ce que je vais gagner quelque chose? Est-ce que je serai payé pour cette heure de marche? On devrait penser à ça. À la fin de la journée, donc il y a aussi 1 heure de marche, 1 heure d'assise. Et c'est ici, du coup, qu'on aura la rétribution de la journée. On devrait penser comme ça en fin de journée. Donc, chercher à gagner de la concentration pendant la marche et chercher à observer et à gagner de la concentration pendant l'assise. Comme ça, vous accumulerez la rétribution, le paiement de la journée. Par rapport à ces 4 méditations protectrices, vous devriez les pratiquer chacune pendant 1 minute. Et ça, chaque jour. Donc, ça vous prendra 1 minute chacune, plus ou moins 5 minutes. Et ça, vous pourrez le faire tôt dans la journée. Donc, ces 5 minutes sont suffisantes pour pratiquer ces 4 méditations. Donc, Sayado souhaite que chacun de vous puisse établir la protection pour votre pratique. Puissiez-vous garder Sila, puissiez-vous développer Samadhi et puissiez-vous être capable de développer la sagesse et d'être capable de réaliser la paix véritable. Sadhu, sadhu, sadhu.